Chapitre 69e. Des individus, hommes ou femmes, se présentent dans une boutique très achalandée. Après y avoir acheté quelques objets, ils donnent en paiement une pièce de 20 francs ou toute autre pièce dont la valeur excède de beaucoup le montant de leur emplette. Le marchand leur rend la différence. Tout à coup, en examinant la monnaie qu'ils reçoivent, ils remarquent une ou deux pièces qui ne sont pas semblables aux autres. Et si l'occasion d'une pareille remarque ne naît pas d'elle-même, ils la font naître au moyen d'une substitution. Quoi qu'il en soit, en montrant au marchand les pièces qu'il leur a données, ou est censé leur avoir données. En avez-vous beaucoup comme cela ? Lui disent-ils. Si vous en avez et que vous consentiez à nous les céder, nous vous donnerons un bénéfice sur chacune. Les anciennes pièces de 24 sous, celles de 12, les petits écus, les écus de 6 livres, soit à la vache, soit au W, sont très propres à motiver une proposition de ce genre. Mais malheur aux marchands qui se laissent prendre à l'appât d'une telle spéculation. Si, pour procéder à la recherche, il permet l'accès de son tiroir aux personnes qui lui offrent un gain, il peut être assuré qu'elles y puissent avec tant de dextérité qu'il n'y verra que du feu. C'est là ce qu'on appelle voler à la carre. Les filous qui pratiquent ce vol ont pris le nom de carreurs. Ils les sortent d'expédients auxquels ces fripons ne recourent pour faire des dupes. Aujourd'hui, ils emploient une ruse, demain une autre. Mais il y a toujours un échange sur le tapis. Ainsi, quel que soit le prétexte sous lequel un inconnu, homme, femme ou enfant, se présente pour offrir de changer des pièces, il est prudent de faire la sourde oreille et dangereux de se laisser tenter. Combien de changeurs, de buralistes de la loterie, de débitants de tabac, de boulangers, de marchands de vin, d'épiciers, de bouchers, etc. ont été dupes de ces adroits escamoteurs qui s'attaquent plus particulièrement à tous les commerces de détail. Les carreurs se font aisément reconnaître, car dès qu'on ouvre le comptoir afin de choisir la monnaie qui leur convient, ils ne manquent pas d'y plonger la main, comme pour aider au triage et indiquer les pièces dont ils s'accommoderont. Si, par hasard, le marchand a besoin d'aller dans son arrière-boutique pour le rendre sur une pièce d'or, ils le suivent et s'arrangent si bien qu'ils parviennent aussi à mettre la main dans le sac. Presque tous les carreurs sont des bohémiens, des Italiens ou des Juifs. La femme Caron, dont il est parlé dans les volumes précédents, était une carreuse des plus habiles. Un jour, elle entre chez un liquoriste, le Sieur Carlier, établi au marché Saint-Jacques. Madame Carlier était seule, la femme Caron demande un flacon d'anisette, paye avec de l'or et dresse si bien ses batteries qu'après 10 minutes d'entretien, la liquoriste va chercher dans sa chambre un sac contenant 750 francs. Au bout d'un quart d'heure, la femme Caron se retire. À peine est-elle partie, Madame Carlier, qui proteste le fait puisqu'elle vit encore, compte son argent. Il lui manquait la moitié. La carreuse l'avait fascinée à ce point qu'en sa présence, elle avait réellement vu double. Ce vol, m'ayant été dénoncé, au savoir-faire, j'en reconnus l'auteur, qui fut arrêté, convaincu et condamné. Il n'est pas, je crois, de prestidigitateur qui osa se comparer à la fameuse duchesse dont il est parlé au tome premier et second de ses mémoires. Un jour, pendant qu'une boulangère de la rue Martinville à Rouen vérifia avec elle une somme de 2 000 francs qu'elle portait dans son tablier, elle lui en enleva à peu près la moitié. La boulangère, sentant que son fardeau s'allégeait, comprit qu'elle était volée. Elle allait faire arrêter la duchesse, mais celle-ci ne lui laissa pas le temps de faire une esclandre. « Comptez, madame, lui dit-elle, comptez votre argent. » La boulangère compta, il ne manquait pas un écu. Les voleurs et voleuses à la carre sont aussi fort habiles à effectuer des substitutions. Un bijoutier montre de l'or ou des pierreries, ils achètent une bagatelle, du chisocal et du strass en échange d'objets précieux. La femme Caron, la duchesse et une autre bohémienne appelée la Gaspard avaient imaginé un singulier moyen de voler les prêtres. Vêtues d'habits de deuil, leur costume était à peu près celui de la veuve d'un riche fermier, elles allaient dans une église et tâchaient de lier conversation avec une loueuse de chaises ou avec une allumeuse de cierges. On sait que ces serviteurs subalternes aiment beaucoup à causer. Les prétendues veuves les questionnaient au sujet de la position financière de chacun des ecclésiastiques de la paroisse. Et dès qu'un d'eux leur semblait valoir le coup de fusil, c'était leur expression, pour avoir accès chez lui, elle le chargeait de dire des messes, ou bien encore, à un petit moret, elle lui soumettait quelques cas de conscience et lui témoignait le désir d'accomplir de bonnes œuvres. Elles avaient l'intention de faire des aumônes et priaient le prêtre de leur indiquer des malheureux dont elles pussent soulager la misère. Le prêtre ne manquait pas de signaler leur charité quelques pauvres ménages qui méritaient d'être secourus. Aussitôt, elles sont pressées de visiter les nécessiteux qui leur étaient désignés et de leur porter soit de l'argent, soit des vêtements. C'est à la recommandation de monsieur un tel, leur disait-elle, que vous devez l'intérêt que nous prenons à votre position. Et ces paroissiens indigents couraient remercier monsieur un tel, qui était enchanté de ses pénitentes. Il était leur directeur, il connaissait leur fort intérieur, elle n'avait que des vertus, il leur aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais, une fois établi, cette confiance qu'il avait en leur relique lui coûtait cher. Un matin ou un soir, l'époque du jour n'y fait rien, l'ecclésiastique se trouvait dévalisé, et les pieuses femmes ne reparaissaient plus. Elles détroussèrent ainsi un prêtre de Saint-Gervais, à qui elles enlevèrent sa montre, une bourse pleine d'or et divers autres objets de prix. Un prêtre de Saint-Médard fut également mis à contribution par ces bohémiennes. Quand elles avaient ainsi réduit le serviteur de Dieu à un dénuement vraiment apostolique, elles mettaient le comble à la scélératesse en volant les malheureux qu'elles avaient assistés. Elles allaient chez eux, les questionnaient sur leurs besoins, se faisaient ouvrir les armoires, les commodes, examinaient toutes les pièces de leur garde-robe afin de voir celles qu'il était urgent de remplacer. Et si durant cette opération, elles apercevaient une montre, une timbale, des boucles, une chaîne ou tout autre bijou de quelque valeur, elles s'en emparaient subtilement et manifestaient bientôt la volonté de se retirer. « C'est bien, mes enfants, » leur disait alors la mère Caron, « je sais à présent ce qui vous manque. Je le sais mieux que vous. » Et au même instant, elle sortait, en ayant soin, pour éviter une vérification trop immédiate, de se faire accompagner jusqu'au bas de l'escalier. Les gens que ces misérables rançonnaient avec cette atrocité étaient d'ordinaire ces pauvres honteux qui, au sein même de la plus affreuse détresse, ont conservé quelques débris de leur ancienne aisance. Pendant que j'étais à la police, plus de 60 plaintes dans lesquelles on signalait des vols de ce genre furent portées contre la mère et la fille Caron. Enfin, je parvins à arrêter ces deux abominables créatures qui sont encore dans les prisons. Les bohémiens ne se bandent pas à ces moyens de s'approprier le bien d'autrui. Souvent ils assassinent et il leur est puni d'autant moins de commettre un meurtre qu'ils ont un mode d'expiation par lequel ils sont affranchis de toute espèce de remords. Afin de se purifier, pendant un an, ils portent une chemise de grosse bure et s'abstiennent de travailler, de voler. Ce laps de temps écoulé, ils se croient blancs comme neige. En France, la plupart des gens de cette caste se disent catholiques et sont en apparence fort dévots. Ils ont toujours sur eux des chapelets et de petits crucifix. Ils récitent leurs prières matin et soir et suivent les offices régulièrement. En Allemagne, ils exercent rarement d'autres professions que celles de maquignons ou d'herboristes. Quelques-uns s'adonnent à la médecine, c'est-à-dire qu'ils se prétendent possesseurs d'arcanes ou secrets pour guérir. Nombre d'entre eux voyagent par bandes. Les uns disent la bonne aventure, d'autres étament la vaisselle de cuivre, les fourchettes de fer ou raccommodent la faïence. Malheur aux habitants des campagnes parcourues par ces vagabonds. Il y aura infailliblement une mortalité sur leurs bestiaux, car les bohémiens sont fort habiles à les tuer, sans laisser de traces qui puissent faire accuser la malveillance. Ils font périr les vaches en les piquant au cœur avec une aiguille longue et très mince, de façon que le sang s'extravasant intérieurement, on peut croire que l'animal est mort de maladie. Ils asphyxient la volaille avec du soufré. Ils savent qu'ensuite on leur abandonnera les cadavres. Et tandis qu'on imagine qu'ils ont du goût pour la charogne, ils font grande chair et mangent de la viande délicieuse. Quelquefois, quand ils ont besoin de jambon, ils prennent un hareng salé et le font flairer à un cochon qui, alléché par cette odeur, les suivrait à la piste jusqu'au bout du monde. Je ne m'étendrai pas davantage sur les mœurs des bohémiens, me bornant à renvoyer le lecteur curieux de faire plus ample connaissance avec ces nomades à l'intéressante histoire publiée en Allemagne par le savant Grellmann. C'est là que l'on peut se faire une idée exacte de ce peuple dont les individus ont été mis en scène avec si peu de vérité par le premier romancier de notre époque.